Both veut dire les deux. Les deux, tous les deux. Both of us. Nous deux. Both of you. Vous deux. Both of them. Les deux. To get along, en deux mots, get along. Get, G-E-T. Along, A-L-O-N-G. To get along veut dire s'entendre, bien s'entendre. So, they get along very well. Ils s'entendent très bien. We are getting along very well. Nous nous entendons très bien. Nous nous entendons très bien. Yes. Permettre, to permit. To permit. P-E-R-M-I-T. Les verbes composés avec le verbe mettre en français sont identiques en anglais, sauf pour leur terminaison qui change en met. Permettre, to permit. Admettre, to admit. Omettre, to omit. Transmettre, to transmit. Commettre, to commit. Il existe toutefois une expression qui concerne le verbe promettre. Promettre se dit to promise. To promise. Comment dit-on je vous promets? I promise you. Right, I promise you. Les verbes composés en français avec tenir sont identiques en anglais et se terminent par tain. Par exemple, obtenir, to obtain. Au lieu d'écrire obtenir, on écrit obtain. O-B-T-A-I-N. Obtain. Tous les verbes composés avec tenir se traduisent donc avec tain, comme obtain. Contenir. Contain. Contain. Ce sont des verbes réguliers. Abstenir. Abstain. Abstain. Maintenir. Maintain. Maintain. Yes, maintain. Nous y avons mangé hier soir. Oui. Oui. Aided. Ate. Oh là là là, oui. Ate. Ate last night. Yes, we ate there. We ate there last night. Last night. We ate there last night. Nous mangions quand vous avez appelé. We was we eating. Hein? We were. Yes, we were eating quand vous avez appelé. When you called. When you have called. Yes. Ou when? You called. When you called. We were eating when you called. L'année dernière, nous y mangions très souvent. Last year, we used to eat there. Très souvent. Often. Very often. Very. Yes, very good. Last year, we used to eat there very often. Il y a trois possibilités pour exprimer l'imparfait. L'imparfait, qui exprime une fréquence, se traduit par « used to ». L'année dernière, par exemple, quand nous étions à Paris, nous y mangeons très souvent. Last year. Quand nous étions à Paris. When we were in Paris. Nous y mangions très souvent. We ate there very often. We ate there very often. Ou bien? We used to eat. We used to. We used to eat very often. Yes, we used to eat there very often. We used to eat there very often. Ce sont déjà deux possibilités. Used to, ou le passé simple. We used to eat there very often. We ate there very often. So, last year, when we were in Paris, we ate there very often. We used to eat there very often. Et la troisième possibilité consiste à employer l'auxiliaire would. Would, qui exprime le conditionnel, peut aussi exprimer l'imparfait de fréquence. Last year, when we were in Paris, we would eat there very often. Ici, « we would eat there » ne veut pas dire « nous y mangerions » parce que ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? C'est dans le passé. « We would eat there » c'est une autre façon de dire « we used to eat there »,« we ate there ». Casser et rompre se traduisent par to break. Break, B-R-E-A-K, to break. C'est un verbe irrégulier. Break, broke, au passé, broke, B-R-O-K-E, et broken, au participe passé. Broken, B-R-O-K-E-N, broken. Alors, comment dit-on « c'est cassé » It's broken. Right, once more. It's broken. Right, it's broken. It is broken. Je l'ai cassé. I have broken it. Right, I have broken it. Ou au passé simple. I broken it. I broke. Oh, I broke it. I broke it. I broke it. I broke. I broke it. Une petite expression intéressante avec broke, c'est l'expression I am broke. Mm-hmm. Je suis cassé. Mais ça veut dire en fait, je suis fauché. Je n'ai pas un sou. I am broke. Je suis broke. Donc c'est pas je suis fatigué, c'est je suis fauché. Je suis fauché. I am broke. Vouloir dire se dit to mean. To mean s'écrit M-E-A-N. C'est un verbe irrégulier. Mean, meant, meant. Ça s'écrit comme l'infinitif, avec un T à la fin. Meant, M-E-A-N-T. Le participe passé se dit, lui aussi, meant. Mean, meant, meant. Comment dit-on, qu'est-ce que vous voulez dire? What do you mean? What do you mean? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Right! What does it mean? Ce n'est pas ce que je voulais dire. That's not... That's not what I mean. Ce n'est pas ce que je voulais dire. That's not what I meant. Bien, right. That's not what I meant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Faire mal se dit to hurt. To hurt. H-U-R-T. To hurt ne change pas au passé ni au participe passé. Hurt, hurt, hurt. Ça fait mal. It hurts, it hurts. C'est un verbe anglais apparenté au mot français, au verbe français, heurter. Mmh. On se heurte, on se fait mal. Enfin, en tous les cas, c'est une façon peut-être de s'en souvenir. Est-ce que ça fait mal? Doesn't... Does it? Does it hurt? Yes, does it... Once more. Hurt? Oh, hurt. Does it hurt? Ça me fait mal? It hurt me. It... Hurts me. Hurts. Right. Right. It hurts me, yes. Ça ne me fait pas mal. It doesn't hurt me. Right, it doesn't hurt me, yes. Comment dit-on prendre? To take. To take. Et quelles sont ces différentes formes? Take, took, taken. Very good. Take, took, taken.